obtenez un T-shirt, un polo, une casquette, une tuque ou une bouteille en acier à seulement 20$ par article ou 50$ pour un lot de 3. Affichez votre amour pour votre station de radio préférée. En vente à la station, située au 405 3e Avenue, à Limoilou. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, votre rendez-vous hebdomadaire. Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous ce soir. Et comme d'habitude, Marc et moi, on a sélectionné plein de bonnes musiques pour vous. Donc, un bon 2 heures, installez-vous confortablement. Et on commence avec un second extrait d'une nouveauté américaine, celle de Isobar. Un groupe de San Jose en Californie qui présentait la semaine dernière son 4e essai simplement intitulé Isobar 4. Ce soir, on vous présente la pièce Partial Zero. Et puis d'Italie, une nouveauté avec un nom assez... avec un sens de l'humour, mettons. Le groupe s'appelle Oh No, It's Prague. C'est le projet du musicien italien Gianni Nicola. Et le nom vient tout simplement d'une anecdote parce qu'il organisait des parties dans les années 80, et lui avait comme l'idée de mettre de la musique prog pour faire danser les gens, et la réaction était souvent « Oh no, it's prog ». Donc, il a adopté le nom pour son groupe, et c'est un premier extrait qu'on vous présente de l'album « For those about to prog, we salute you ». Un clin d'œil évident à AC/DC. Vous voyez que le monsieur a de l'humour. Et puis Marc, par la suite, ben, on a un doublé français. Oui, en effet, on aura la formation Lizard, qui est un trio. Les trois musiciens se sont rencontrés en 2006 pour la première fois, avaient réalisé jusqu'à maintenant quelques mini-albums et feront paraître le 27 septembre prochain leur premier album longue durée qui a pour titre Mesh. Et pour vous ce soir, on aura la pièce Elevate. On aura également une formation qui a pour nom Yang, qui a été formée par Frédéric Lépée, celui-même qui avait fondé la formation Shylock dans les années 70. On aura ici un extrait de leur album qui a pour nom Rejoice, qui est paru à la fin juillet. Et pour vous ce soir, on a choisi la pièce Get Lost. Et comme vous disait Michel, on débute l'émission ce soir avec une pièce de la formation américaine Isobar. Bonjour, c'est Malcolm Smith d'Isobar et vous écoutez Terra Incognita en direct de Québec. Hello, it's Gianni from Onoitz Prague, and I'm very proud to present you one track of my new release. For those about to Prague, we salute you. Greetings from Italy. To leave and long before my childhood days. You've been here since my conception, from my first heartbeat. Now I see you, now I feel you. Now I'm strong enough to bear you. Now it's time to start to speak. Can you just sit down? Salut, ici Mathieu du groupe Lizard et je suis très content de vous présenter un nouveau single qui est issu de notre nouvel album, Mesh. Nothing. forgetting rules of peace. Unattainable paradise. Losing faith, losing patience. What comes next? What comes now? One more dreamless night. Forget those, forget time and get past. Forget me, forget them and get past. Forget rules, forget gravity. Another path, another step. Ne manquez plus jamais de café à la maison. Inscrivez-vous dès maintenant au service d'abonnement Mon Café de Café Barista Micro-Torréfacteur pour recevoir chaque mois votre café livré directement à votre porte. En plus d'obtenir automatiquement 15% de rabais sur vos commandes de café. Pour plus d'informations et pour vous abonner, rendez-vous au cafébarista.ca. Cet été, laissez-vous porter par le Festival international du domaine Forget de Charlevoix. Vos cordes sensibles vibreront au rythme des rencontres musicales renversantes, des découvertes artistiques inoubliables et des corps qui se déploient dans toute leur splendeur et leur intensité. Une véritable bouffée d'art pur. Émotion garantie à chaque visite. Du 29 juin au 24 août, venez vivre toute une expérience au Domaine Forget de Charlevoix. On vous attend. Détails sur domaineforget.com. À la base, je me sers de prétexte d'aller en plein air, que ce soit pour marcher, faire une randonnée, aller à la pêche ou chasse à la perdrix que j'aime beaucoup. Puis, si l'occasion se présente, ben, je peux documenter en photo, avec le téléphone, avec un appareil argentique ou encore faire des croquis, selon les intempéries et les moustiques. À découvrir sur la fabrique culturelle. À force de parcourir le territoire, tu sais, j'ai vraiment beaucoup de plantes imprimées dans ma tête, que j'ai beaucoup observé, que j'ai cueilli beaucoup également. Karine Locatelli, artiste en art visuel dont la nature est une source d'inspiration majeure. Je dirais que ça s'entremêle, mémoire, documentation, photo, dessin. Puis aussi, c'est des sujets hyper organiques, donc je peux vraiment me permettre de modifier le sujet, d'improviser. Tous les talents d'ici, une seule adresse, lafabriqueculturelle.tv. La Société de développement commercial 3e Avenue Limoilou est heureuse d'offrir ce dimanche, de 10h à 11h, une heure de musique classique et de détente aux personnes présentes sur la rue piétonne située sur la 3e Avenue, entre la 10e rue et la 11e rue. De Bach à Debussy, en passant par Schubert, Tchaïkovski et quelques pièces contemporaines, Sandrine Bélanger-Rivard, jeune violoniste de Québec, vous émerveillera par son talent et son professionnalisme. Pour un dimanche classique sur la rue piétonne, on vous attend en grand nombre. En cas de mauvaise météo, une prestation pourra être reportée. Le clap, présentement à l'affiche. Alien Romulus, Le Comte de Monte Cristo, Jamais plus, Titina et Jour de chasse. Le clap pour les amoureux du cinéma. Clap.ca. De retour à Terra Incognita avec Marc Chaunet et Michel Bilodeau. Pour donner le coup d'envoi de ce second bloc musical, on va avoir Troika, un trio de la Norvège, de Bergen pour être plus précis, qui vient de lancer un nouvel album. En fait, c'est le 3e essai de ce groupe norvégien. Et le titre de l'album, c'est Strob Mork, enfin, sous réserve, je le prononce à la française, mais je suis presque convaincu qu'en norvégien, ce serait autre chose. Et puis, on aura aussi Carfagen, un extrait du plus récent Land of Chameleon. Ce sera la pièce My Shadow. Ça serait assez difficile de vous dire. Je pense que c'est le 20e album de Carfagen, mais la discographie de ce groupe ukrainien est pour le moins complexe. Je pense que c'est le terme le plus adéquat pour décrire l'importante discographie de M. Kalugin, celui qui est derrière Carfagen et Sunchild et autres groupes. D'ailleurs, cette année, je pense que, sauf erreur, Land of Chameleon est le 3e album à paraître pour 2024, et il y a sûrement encore des surprises qui s'en viennent de la part de M. Kalugin. Et puis, Marc, par la suite, on va avoir un groupe qu'on a reçu en mai dernier dans le cadre de la 17e édition du festival Terra Incognita. Oui, en effet, il s'agit de la formation québécoise Vecteur K, qui sont venus présenter au mois de mai leur nouvel album Stratigraphie, qui est paru en 2023. Ils seront en spectacle à Québec à nouveau le 12 décembre prochain, accompagnés de la formation Carsius, ceux-ci même qu'on a eu la chance de voir au Festival Terra Incognita l'an dernier. Alors donc, Vecteur K et Carsius en programme double le 12 décembre prochain au bar Lanti, et les billets sont en vente sur lepointdevente.com. Alors pour vous ce soir, on aura la pièce titre de leur plus récent album, mais d'abord, comme vous le disait Michel, on débute ce bloc musical avec un nouvel extrait du nouvel album de la formation Troika. goes in and out with me. And what can be the use of him is more than I can see. He's very, very like me, from the hills up to the head. And I see him jump before me when I jump into my bed. Stay at home behind me and was fast asleep in bed.

dug a square hole into the ground and then stood inside that hole to look at the cross-section, you'd see all these different layers. Each layer is called a strata, and collectively they're called strata, hence the word stratigraphy. Stratigraphy relies on what we call the law of superposition. Sortir

toujours spécialiste en son et images. Moon, Oracle Audio, Paradigme, Rega, Sennheiser. Audiolite.qc.ca. De retour à l'émission Terra Incognita, dans le prochain bloc musical, on aura entre autres la formation québécoise In Silva, qui faisait paraître cette année leur premier album qui a pour titre She, un des très bons albums parus cette année. On a eu la chance de les voir en spectacle au Festival Terra Incognita cette année. On aura pour vous ce soir la pièce Chloé's Plea. Il faut savoir que le concept de cet album est justement l'histoire de Chloé. On aura également la formation italienne Semiramis, fondée à Rome en 1970. Il n'avait fait paraître qu'un seul album dans les années 70, et comme plusieurs formations de cette époque, ont fait un retour dans les années 2000. On fait paraître cette année leur second album, La Fine Non Esiste, et on aura pour vous ce soir la pièce In Quel Secondo Regno. On aura également la formation Is et un extrait de leur plus récent album, l'excellent Collapse the Wave, avec la pièce d'ouverture We Are the Third. Et pour débuter ce bloc musical, Michel, une formation italienne. Oui, il s'agit de Baroque Project, qui nous est arrivé il y a quelques mois avec un excellent album qui a pour titre Time Voyager. Le groupe est actif depuis le milieu des années 2000 et c'est le 7e essai studio pour cette formation qui n'avait pas présenté d'album depuis 2019. C'était Seven Seas, un autre excellent album d'ailleurs. Ce soir, on vous présente la pièce Carry On. Something ought to be done.

Time is near for victory songs, foreshadowing the day so long. The wind is at our back. Then we pause just at the brink, our possibilities in sync. Thank you. alza le vele ormai la navicella del mio ingegno che lascia dietro a sé mar sì crudele e canterò di quel secondo regno dove l'umano spirito si purga e di salire al cielo diventa degno. Try. I'll navigate around here without a

poesia. Il tuo domani, non stringerlo così tra le tue mani. Qualunque sia il tuo timore, nascondilo se puoi tra i petali di un fiore. Cerca la tua bellezza, la tua libertà, cogli ogni ricchezza che il mondo ti dà. Perché è così che si vive, senza paure né ansietà. L'émission ce soir, bon, on a pigé dans un album concept paru en 2009 sous le titre de Purgatorio, The Divine Comedy Part 2, un quadruple album avec une multitude de groupes invités, vous l'imaginez, dont on retrouvait notamment Nuova Era d'Italie, et c'est un des multiples projets de l'association de Colossus et de Musea. Ce soir, on vous présente la pièce Luna par la formation chilienne Entrance. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 21h. Merci d'être fidèle au rendez-vous. Évidemment, on vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste, pour d'autres bons 2 heures de rock progressif. Restez des nôtres, l'autoroute suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.